Chapitre 20. Valentine aimait Bénédicte. Elle ne pouvait pas résister à sa demande. Il y a tant d'innocence et de pureté dans le premier amour de la vie qu'il se méfie peu des dangers qui sont en lui. Valentine se refusait à pressentir la cause des chagrins de Bénédicte. Elle le voyait malheureux, et elle eût admis les plus invraisemblables infortunes plutôt que de s'avouer celles qui l'accablaient. Il y a des routes si trompeuses et des replis si multipliés dans la plus pure conscience. Comment la femme jetée, avec une âme impressionnable, dans la carrière ardue et rigide des devoirs impossibles, pourrait-elle résister à la nécessité de transiger à chaque instant avec eux? Valentine trouva aisément des motifs pour croire Bénédicte atteint d'un malheur étranger à elle. Souvent, Louise lui avait dit dans les derniers temps que ce jeune homme l'affligeait par sa tristesse et par son incurie de l'avenir. Elle avait aussi parlé de la nécessité où il serait bientôt de quitter la famille Léry. Et Valentine se persuadait que, jeté sans fortune et sans appui dans le monde, il pouvait avoir besoin de sa protection et de ses conseils. Il était assez difficile de s'échapper, la veille même de son mariage, obsédée comme elle l'était des attentions et des petits soins de Monsieur de Lansac. Elle y réussit cependant en priant sa nourrice de dire qu'elle était couchée si on la demandait. Et pour ne pas perdre de temps, pour ne pas revenir sur une résolution qui commençait à l'effrayer, elle traversa rapidement la prairie. La lune était alors dans son plein. On voyait aussi nettement les objets que dans le jour. Elle trouva Bénédicte debout, les bras croisés sur sa poitrine, dans une immobilité qui lui fit peur. Comme il ne faisait pas un mouvement pour venir à sa rencontre, elle crut un instant que ce n'était pas lui, et fut sur le point de fuir. Alors il vint à elle. Sa figure était si altérée, sa voix si éteinte, que Valentine, accablée par ses propres chagrins et par ceux dont elle voyait la trace chez lui, ne put retenir ses larmes et fut forcée de s'asseoir. Ce fut fait des résolutions de Bénédicte. Il était venu en ce lieu déterminé à suivre religieusement la marche qu'il s'était tracée dans son billet. Il voulait entretenir Valentine de sa séparation d'avec les Léry, de ses incertitudes pour le choix d'un état, de son isolement, de tous les prétextes étrangers à son vrai but. Ce but était de voir Valentine, d'entendre le son de sa voix, de trouver dans ses dispositions envers lui le courage de vivre ou de mourir. Il s'attendait à la trouver grave, réservée, à la voir armée de tout le sentiment de ses devoirs. Il y a plus, il s'attendait presque à ne pas la voir du tout. Quand il l'aperçut au fond de la prairie, accourant vers lui de toute sa vitesse, quand elle se laissa tomber, haletante et accablée sur le gazon, quand sa douleur s'exprima en dépit d'elle-même par des larmes, Bénédicte crut rêver. Oh, ce n'était pas là de la compassion seulement, c'était de l'amour. Un sentiment de joie délirante s'empara de lui. Il oublia encore une fois et son malheur et celui de Valentine, et la veille et le lendemain, pour ne voir que Valentine qui était là, seule avec lui, Valentine qui l'aimait et qui ne le lui cachait plus. Il se jeta à genoux devant elle, il baisa ses pieds avec ardeur. C'était une trop rude épreuve pour Valentine. Elle sentit tout son sang se figer dans ses veines. Sa vue se troubla, la fatigue de sa course rendant plus pénible encore la lutte qu'elle s'imposait pour cacher ses pleurs. Elle tomba, pâle et presque morte, dans les bras de Bénédicte. Leur entrevue fut longue, orageuse. Ils n'essayèrent pas de se tromper sur la nature du sentiment qu'ils éprouvaient. ils ne cherchèrent point à se soustraire au danger des plus ardentes émotions. Bénédicte couvrit de pleurs et de baisers les vêtements et les mains de Valentine. Valentine cacha son front brûlant sur l'épaule de Bénédicte. Mais ils avaient 20 ans. Ils aimaient pour la première fois. Et l'honneur de Valentine était en sûreté auprès du sein de Bénédicte. Il n'osa seulement pas prononcer ce mot d'amour qui effarouche l'amour même. Ses lèvres osèrent à peine effleurer les beaux cheveux de sa maîtresse. Le premier amour, c'est à peine s'il existe une volupté plus grande que celle de se savoir aimer. Bénédicte fut le plus timide des amants et le plus heureux des hommes. Ils se séparèrent sans avoir rien projeté, rien résolu. À peine dans ces 2 heures de transport et d'oubli avaient-ils échangé quelques paroles sur leur situation, lorsque le timbre clair de l'horloge du château vint faiblement vibrer dans le silence de la prairie. Valentine compta 10 coups, presque insaisissables, et se rappela sa mère, son fiancé, le lendemain. Mais comment quitter Bénédicte? Que lui dire pour le consoler? Où trouver la force de l'abandonner dans un tel moment? L'apparition d'une femme, à quelque distance, lui arracha une exclamation de terreur. Bénédicte se tapit précipitamment dans le buisson, mais, à la vive clarté de la lune, Valentine reconnut presque aussitôt sa nourrice Catherine, qui la cherchait avec anxiété. Il lui eût été facile de se cacher aussi à ses regards, mais elle sentit qu'elle ne devait pas le faire. Et, marchant droit à elle, « Qu'y a-t-il ? » lui demanda-t-elle en se penchant toute tremblante à son bras. « Pour l'amour de Dieu, rentrez, mademoiselle !» dit la bonne femme. « Madame vous a déjà demandé 2 fois, et comme j'ai répondu que vous vous étiez jetée sur votre lit, elle m'a ordonné de l'avertir aussitôt que vous seriez éveillée. Alors l'inquiétude m'a prise, et comme je vous avais vu sortir par la petite porte, comme je sais que vous venez quelquefois le soir vous promener par ici, je me suis mise à vous chercher. Oh, mademoiselle, allez toute seule vous promener si loin. Vous avez tort. Vous devriez au moins me dire d'aller avec vous. » Valentine embrassa sa nourrice, jeta un coup d'œil triste et inquiet sur le buisson, et laissa volontairement à la place qu'elle quittait son foulard, celui qu'elle avait une fois prêté à Bénédicte dans la promenade autour de la ferme. Lorsqu'elle fut rentrée, sa nourrice le chercha partout et remarqua qu'elle l'avait perdu dans cette promenade. Valentine trouva sa mère, qui l'attendait dans sa chambre depuis quelques instants. Elle manifesta un peu de surprise de la voir si complètement habillée après avoir passé 2 heures sur son lit. Valentine répondit que, se sentant oppressée, elle avait voulu prendre l'air, et que sa nourrice lui avait donné le bras pour faire un tour de promenade dans le parc. Alors, Madame de Rimbaud entama une grave dissertation d'affaires avec sa fille. Elle lui fit remarquer qu'elle lui laissait le château et la terre de Rimbaud, dont le nom seul constituait presque tout l'héritage de son père, et dont la valeur réelle, détachée de sa propre fortune, constituait une assez belle dot. Elle la pria de lui rendre justice en reconnaissant le bon ordre qu'elle avait mis dans sa fortune, et de témoigner à tout le monde, dans le cours de sa vie, l'excellente conduite de sa mère envers elle. Elle entra dans des détails d'argent qui firent de cette exhortation maternelle une véritable consultation notariée, et termina sa harangue en lui disant qu'elle espérait, au moment où la loi allait les rendre étrangères l'une à l'autre, trouver Valentine disposée à lui accorder des égards et des soins. Valentine n'avait pas entendu la moitié de ce long discours. Elle était pâle, des teintes violettes cernaient ses yeux abattus, et de temps en temps un brusque frisson parcourait tous ses membres. Elle baisa tristement les mains de sa mère, et s'apprêtait à se mettre au lit, quand la demoiselle de compagnie de sa grand-mère vint, d'un air solennel, l'avertir que la marquise l'attendait dans son appartement. Valentine se traîna encore à cette cérémonie. Elle trouva la chambre à coucher de la vieille dame, accoutrée d'une sorte de décoration religieuse. On avait formé un autel avec une table et des linges brodés. Des fleurs disposées en bouquet d'église entouraient un crucifix d'or guilloché. Un missel de velours écarlate était ouvert sacramentellement sur l'autel. Un coussin attendait les genoux de Valentine. Et la marquise, posée théâtralement dans son grand fauteuil, s'apprêtait avec une puérile satisfaction à jouer sa petite comédie d'étiquette. Valentine s'approcha en silence. Et, parce qu'elle était pieuse de cœur, elle regarda sans émotion ses ridicules apprêts. La demoiselle de compagnie ouvrit une porte opposée par laquelle entrèrent, d'un air à la fois humble et curieux, toutes les servantes de la maison. La marquise leur ordonna de se mettre à genoux et de prier pour le bonheur de leur jeune maîtresse. Puis, ayant fait agenouiller aussi Valentine, elle se leva, ouvrit le missel, mit ses lunettes, récita quelques versets de psaume, chevrota un cantique avec sa demoiselle de compagnie et finit en imposant les mains et en donnant sa bénédiction à Valentine. Jamais cérémonie sainte et patriarcale ne fut plus misérablement travestie par une vieille espiègle du temps de la Dubarry. En embrassant sa petite fille, elle prit, précisément sur l'autel, un écrin contenant une assez jolie parure encamée dont elle lui faisait présent. Et, mêlant la dévotion à la frivolité, elle lui dit presque en même temps « Dieu vous donne, ma fille, les vertus d'une bonne mère de famille. Tiens, ma petite, voici le petit cadeau de ta grand-mère. Ce sera pour les demi-toilettes. » Valentine eut la fièvre toute la nuit et ne dormit que vers le matin. Mais elle fut bientôt éveillée par le son des cloches qui appelaient tous les environs à la chapelle du château. Catherine entra dans sa chambre avec un billet qu'une vieille femme des environs lui avait remis pour Mademoiselle de Rimbaud. Il ne contenait que ce peu de mots tracés péniblement. Valentine, il serait encore temps de dire non. Valentine frémit et brûla le billet. Elle essaya de se lever, mais plusieurs fois la force lui manqua. Elle était assise, à demi vêtue, sur une chaise, quand sa mère entra, lui reprocha d'être si fort en retard, refusa de croire son indisposition sérieuse, et l'avertit que plusieurs personnes l'attendaient déjà au salon. Elle l'aida elle-même à faire sa toilette, et quand elle la vit belle, parée, mais aussi pâle que son voile, elle voulut lui mettre du rouge. Valentine pensa que Bénédicte la regarderait peut-être passer. Elle aima mieux qu'il vît sa pâleur, et elle résista, pour la première fois de sa vie, à une volonté de sa mère. Elle trouva au salon quelques voisins d'un rang secondaire, car Madame de Rimbaud, ne voulant point d'apparat à cette noce, n'avait invité que des gens sans conséquence. On devait déjeuner dans le jardin, et les paysans danseraient au bout du parc, au pied de la colline. Monsieur de Lansac parut bientôt, noir des pieds à la tête, et la boutonnière chargée d'ordres étrangers. Trois voitures transportèrent toute la noce à la mairie, qui était au village voisin. Le mariage ecclésiastique fut célébré au château. Valentine, en s'agenouillant devant l'autel, sortit un instant de l'espèce de torpeur où elle était tombée. Elle se dit qu'il n'était plus temps de reculer, que les hommes venaient de la forcer à s'engager avec Dieu, et qu'il n'y avait plus de choix possible entre le mariage et le sacrilège. Elle pria avec ferveur, demanda au ciel la force de tenir des serments qu'elle voulait prononcer dans la sincérité de son âme. Et, à la fin de la cérémonie, l'effort surhumain qu'elle s'était imposé pour être calme et recueillie l'ayant épuisée, elle se retira dans sa chambre pour y prendre quelque repos. Par un secret instinct de pudeur et d'attachement, Catherine s'assit au pied de son lit et ne la quitta point. Le même jour, à 2 lieues de là, se célébrait dans un petit hameau de la vallée le mariage d'Athénaïs Léry avec Pierre Bluty. Là aussi, la jeune épousée était pâle et triste, moins cependant que Valentine, mais assez pour tourmenter sa mère, qui était beaucoup plus tendre que Madame de Rimbaud, et pour donner quelque humeur à son époux, qui était beaucoup plus franc et moins poli que Monsieur de Lansac. Athénaïs avait peut-être un peu trop présumé des forces de son dépit en se déterminant aussi vite à épouser un homme qu'elle n'aimait guère. Par suite, peut-être de l'esprit de contradiction qu'on reproche aux femmes, son affection pour Bénédicte se réveilla précisément au moment où il n'était plus temps de se raviser. Et, au retour de l'église, elle régala son mari d'une scène de pleurs fort ennuyante. C'est ainsi que s'exprimait Pierre Bluty en se plaignant de cette contrariété à son ami Georges Simoneau. Néanmoins, la noce fut autrement nombreuse, joyeuse et bruyante à la ferme qu'au château. Les Léry avaient au moins 60 cousins et arrière-cousins. Les Bluty n'étaient pas moins riches en parenté, et la grange ne fut pas assez grande pour contenir les convives. Dans l'après-midi, lorsque la moitié dansante de la noce eut suffisamment fêté les veaux gras et les pâtés de gibier de la ferme, on laissa l'arène gastronomique au vieillard et l'on se rassembla sur la pelouse pour commencer le bal. Mais la chaleur était extrême. Il y avait peu d'ombrage en cet endroit. Et autour de la ferme, il n'y avait pas de place très commode pour danser. Quelqu'un insinua qu'il y avait auprès du château une immense salle de verdure fort bien nivelée, où 500 personnes dansaient en cet instant. Le campagnard aime la foule, tout comme le dandy. Pour s'amuser beaucoup, il lui faut beaucoup de monde, des pieds qui écrasent ses pieds, des coudes qui le coudoient, des poumons qui absorbent l'air qu'il respire. Dans tous les pays du monde, dans tous les rangs de la société, c'est là le plaisir. Madame Léry accueillit cette idée avec empressement. Elle avait mis assez d'argent à la toilette de sa fille pour désirer qu'on la vît en regard de celle de Mademoiselle de Rimbaud, et qu'on parlât dans tout le pays de sa magnificence. Elle s'était scrupuleusement informée du choix des parures de Valentine. Pour une fête aussi champêtre, on n'avait destiné à celle-ci que des ornements simples et de bon goût. Madame Léry avait écrasé sa fille de dentelles et de pierreries, et, jalouse de la produire dans tout son éclat, elle proposa d'aller se réunir à la noce du château où elle avait été priée, elle et tous les siens. Athénaïs résista bien un peu. Elle craignait de rencontrer autour de Valentine cette pâle et sombre figure de Bénédicte qui lui avait fait tant de mal le dimanche précédent à l'église. Mais l'obstination de sa mère, le désir de son mari, qui n'était pas non plus exempte de vanité, peut-être aussi un peu de cette même vanité pour son propre compte, la déterminèrent. On attela les carrioles, chaque cavalier prit en croupe sa cousine, sa sœur ou sa fiancée. Athénaïs vit en soupirant s'installer, les rênes en main, dans la patache, son nouvel époux, à cette place que Bénédicte avait si longtemps occupée et qu'il n'occuperait plus. Chapitre 21. La danse était fort animée au parc de Rimbaud. Les paysans, pour lesquels on avait dressé des ramées, chantaient, buvaient et proclamaient le nouveau couple le plus beau, le plus heureux et le plus honorable de la contrée. La comtesse, qui n'était rien moins que populaire, avait ordonné cette fête avec beaucoup de prodigalité, afin de se débarrasser en un jour de tous les traits d'amabilité qu'une autre eût fait dans le cours de sa vie. Elle avait un profond mépris pour la canaille et prétendait que, pourvu qu'on la fît boire et manger, on pouvait ensuite lui marcher sur le ventre sans qu'elle se révoltât. Et ce qu'il y a de plus triste en ceci, c'est que Madame de Rimbaud n'avait pas tout à fait tort. La marquise de Rimbaud était charmée de cette occasion de renouveler sa popularité. Elle n'était pas fort sensible aux misères du pauvre, mais à cet égard, on ne la trouvait pas plus insouciante qu'au malheur de ses amis. Et grâce à son penchant pour le commérage et la familiarité, on lui avait accordé cette réputation de bonté que le pauvre donne si gratuitement, hélas, à ceux qui, ne lui faisant pas de bien, ne lui font du moins pas de mal. En voyant passer alternativement ces deux femmes, les esprits forts du village se disaient tout bas sous la ramée. « Celle-ci nous méprise, mais elle nous régale. Celle-là ne nous régale pas, mais elle nous parle. » Et ils étaient contents de toutes deux. La seule qui fut aimée réellement, c'était Valentine, parce qu'elle ne se contentait pas d'être amicale et de leur sourire, d'être libérale et de les secourir. Elle était sensible à leurs mots, à leur joie. Il sentait qu'il n'y avait dans sa bonté aucun motif d'intérêt personnel, aucun calcul politique. Ils l'avaient vu pleurer sur leur malheur. Ils avaient trouvé dans son cœur des sympathies vraies. Ils la chérissaient plus qu'il n'est donné aux hommes grossiers de chérir les êtres qui leur sont supérieurs. Beaucoup d'entre eux savaient fort bien l'histoire de ses relations à la ferme avec sa sœur. Mais ils respectaient son secret si religieusement qu'à peine osaient-ils prononcer tout bas entre eux le nom de Louise. Valentine passa autour de leur table et s'efforça de sourire à leurs vœux. Mais la gaieté s'évanouit après qu'elle eut passé, car on avait remarqué son air d'abattement et de maladie. Il y eut même des regards de malveillance pour Monsieur de Lansac. Athénaïs et sa noce tombèrent au milieu de cette fête, et les idées changèrent de cours. La recherche de sa parure et la bonne mine de son mari attirèrent tous les yeux. La danse qui languissait se ranima. Valentine, après avoir embrassé sa jeune amie, se retira de nouveau avec sa nourrice. Madame de Rimbaud, que tout ceci ennuyait beaucoup, alla se reposer. Monsieur de Lansac, qui, même le jour de ses noces, avait toujours d'importantes lettres à écrire, alla faire son courrier. La noce les rit, resta maîtresse du terrain. Et les gens qui étaient venus pour voir danser Valentine restèrent pour voir danser Athénaïs. La nuit approchait. Athénaïs, fatiguée de la danse, s'était assise pour prendre des rafraîchissements. À la même table, le chevalier de Trigault, son majordome Joseph, Simoneau, Moret et plusieurs autres qui avaient fait danser la mariée étaient réunis autour d'elle et l'accablaient de leur prévenance. Athénaïs avait semblé si belle à la danse, sa parure brillante et folle lui allait si bien, elle avait recueilli tant d'éloges, son mari lui-même la regardait d'un œil noir si amoureux, qu'elle commençait à s'égayer et à se réconcilier avec la journée de ses noces. Le chevalier de Trigault, raisonnablement gris, lui débitait des galanteries en style de Dora, qui la faisait à la fois rire et rougir. Peu à peu, le groupe qui l'environnait, animé par quelques bouteilles d'un léger vin blanc du pays, par la danse, par les beaux yeux de la mariée, par l'occasion et l'usage, se mit à débiter ces propos graveleux qui commencent par être énigmatiques et qui finissent par devenir grossiers. C'est la coutume chez les pauvres, et même chez les riches de mauvais ton. Athénaïs, qui se sentait jolie, qui se voyait admirée et qui ne comprenait rien à tout le reste, sinon qu'on enviait et qu'on félicitait son mari, s'efforçait de maintenir sur ses lèvres le sourire qui l'embellissait et commençait même à répondre avec une assez friponne timidité aux brûlantes œillades de Pierre Bluty. lorsqu'une personne silencieuse vint s'asseoir à la place vide qui était à sa gauche. Athénaïs, émue malgré elle par l'imperceptible frôlement de son habit, se retourna, étouffa un cri d'effroi et devint pâle. C'était Bénédicte. C'était Bénédicte, plus pâle qu'elle encore, mais grave, froid et ironique. Toute la journée, il avait couru les bois comme un forcené. Le soir, désespéré de se calmer à force de fatigue, il avait résolu de voir la noce de Valentine, d'écouter les gravelures des paysans, d'entendre signaler le départ des époux pour la chambre nuptiale, et de se guérir à force de colère, de pitié et de dégoût. « Si mon amour survit à tout cela, s'était-il dit, c'est qu'il n'y a pas de remède. » Et, à tout hasard, il avait chargé des pistolets de poche qu'il avait mis sur lui. Il ne s'était pas attendu à trouver là cette autre noce et cette autre mariée. Depuis quelques instants, il observait Athénaïs. Sa gaieté soulevait en lui un profond dédain, et il voulut se mettre au centre des dégoûts qu'il venait braver en s'asseyant auprès d'elle. Bénédicte, qui avait un caractère âpre et sceptique, un de ces esprits mécontents et frondeurs si incommodes ou ridicules et au travers de la société, prétendait, c'était sans doute un de ses paradoxes, qu'il n'est point d'inconvenance plus monstrueuse, d'usage plus scandaleux, que la publicité qu'on donne au mariage. Il n'avait jamais vu, sans la plaindre, passer au milieu de la cohue d'une noce cette pauvre jeune fille qui a presque toujours quelque amour timide dans le cœur et qui traverse l'insolente attention, les impertinents regards pour arriver dans les bras de son mari, déflorée déjà par l'audacieuse imagination de tous les hommes. Il plaignait aussi ce pauvre jeune homme dont on affichait l'amour aux portes de la mairie, au banc de l'église, et que l'on forçait de livrer à toutes les impuretés de la ville et de la campagne la blanche robe de sa fiancée. Il trouvait qu'en lui ôtant le voile du mystère, on profanait l'amour. Il voulut entourer la femme de tant de respect qu'on n'eût jamais connu officiellement l'objet de son choix, et qu'on eût craint de l'offenser en le lui nommant. Comment, disait-il, voulez-vous avoir des femmes aux mœurs pures lorsque vous faites publiquement violence à leur pudeur, quand vous les amenez vierges en présence de la foule assemblée et que vous leur dites, en prenant cette foule à témoin, « Vous appartenez à l'homme que voici, vous n'êtes plus vierge. » Et la foule bat des mains, rit, triomphe, raille la rougeur des époux et, jusque dans le secret de leur lit nuptial, les poursuit de ses cris et de ses chants obscènes. Les peuples barbares du Nouveau Monde avaient de plus pieux hyménées. Au fête du soleil, on amenait dans le temple un homme vierge et une femme vierge. La foule prosternée, grave et recueillie, bénissait le Dieu qui créa l'amour. Et dans toute la solennité de l'amour physique et de l'amour divin, le mystère de la génération s'accomplissait sur l'autel. Cette naïveté qui vous révolte était plus chaste que vos mariages. Vous avez tant souillé la pudeur, tant oublié l'amour, tant avili la femme, que vous êtes réduit à insulter la femme, la pudeur et l'amour. En voyant Bénédicte s'asseoir auprès de sa femme, Pierre Bluty, qui n'ignorait point l'inclination d'Athénaïs pour son cousin, jeta sur eux un regard de travers. Ses amis échangèrent avec lui le même regard de mécontentement. Tous haïssaient Bénédicte pour sa supériorité, dont ils le croyaient vain. Les joyeux propos s'arrêtèrent un instant, mais le chevalier de Trigault, qui avait pour lui une grande estime, lui fit bon accueil et lui tendit la bouteille d'une main mal assurée. Bénédicte avait un ton calme et dégagé qui fit croire à Athénaïs que son parti était pris. Elle lui fit timidement quelques prévenances auxquelles il répondit respectueusement et sans humeur. Peu à peu, les paroles libres et grivoises reprirent leur cours, mais avec l'intention évidente, de la part de Bluty et de ses amis, de leur donner une tournure insultante pour Bénédicte. Celui-ci s'en aperçut aussitôt et s'arma de cette tranquillité dédaigneuse dont l'expression semblait être naturelle à sa physionomie. Jusqu'à son arrivée, le nom de Valentine n'avait pas été prononcé. Ce fut l'arme dont Bluty se servit pour le blesser. Il donna le signal à ses compagnons et on commença, à mots couverts, un parallèle entre le bonheur de Pierre Bluty et celui de Monsieur de Lansac, qui fit passer comme du feu dans les veines glacées de Bénédicte. Mais il était venu là pour entendre ce qu'il entendait. Il fit bonne contenance, espérant que cette rage intérieure qui le dévorait allait faire place au dégoût. D'ailleurs, se fût-il livré à sa colère, il n'avait aucun droit de défendre le nom de Valentine de ses souillures. Mais Pierre Bluty ne s'en tint pas là. Il était résolu à l'insulter grièvement et même à lui faire une scène, afin de l'expulser à jamais de la ferme. Il hasarda quelques mots qui donnèrent à entendre combien le bonheur de Monsieur de Lansac était amer au cœur d'un des convives. Tous les regards l'interrogèrent avec surprise et virent les siens désignés Bénédicte. Alors, les Moret et les Simoneau, ramassant la balle, fondirent avec plus de rudesse que de force réelle sur leur adversaire. Celui-ci demeura longtemps impassible. Il se contenta de jeter un coup d'œil de reproche à la pauvre Athénaïs, qui seule avait pu trahir un pareil secret. La jeune femme, au désespoir, essaya de changer la conversation. Mais ce fut impossible, et elle resta plus morte que vive, espérant au moins que sa présence contiendrait son mari jusqu'à un certain point. « Il y en a d'aucun !» disait Georges en affectant de parler plus rustiquement que de coutume, afin de contraster avec la manière de Bénédicte. « Qui veulent lever le pied plus haut que la jambe et qui se cassent le nez par terre. Ça rappelle l'histoire de Jean Laurie, qui n'aimait ni les brunes ni les blondes et qui a fini, comme chacun sait, par être bien heureux d'épouser une rousse. » Toute la conversation fut sur ce ton et fort peu spirituelle, comme on voit. Bluty, reprenant son ami Georges, « Ce n'est pas comme ça, lui dit-il. Voilà l'histoire de Jean Laurie. Il disait qu'il ne pouvait aimer que les blondes. Mais ni les brunes ni les blondes ne voulaient de lui, si bien que la rousse fut forcée d'en avoir pitié. « Oh !» dit un autre, « c'est que les femmes ont des yeux. » « En revanche, reprit un troisième, il y a des hommes qui ne voient pas plus loin que leur nez. »« Manes abunt, dit le chevalier de Trigot, qui, ne comprenant rien à la conversation, voulut au moins y faire briller son savoir. Et il continua sa citation en écorchant impitoyablement le latin. « Ah, monsieur le chevalier, vous parlez à des sourds, dit le père Léry. « Nous ne savons pas le grec. »« Monsieur Benoît, qui n'a appris que ça, » dit Bluty, « pourrait-nous le traduire ?»« Cela signifie, » répondit Bénédicte d'un air calme, « qu'il y a des hommes semblables à des brutes, qui ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Cela se rapporte fort bien, comme vous voyez, à ce que vous disiez tout à l'heure. »« Oh, pour les oreilles, pardieu !» dit un gros petit cousin du marié qui n'avait pas encore parlé. « Nous n'en avons rien dit, et pour cause. On sait les égards qu'on se doit entre amis. »« Et puis, » dit Bluty, « il n'y a de pire sourd, comme dit le proverbe, que ceux qui ne veulent pas entendre. »« Il n'y a de pire sourd, » interrompit Bénédicte d'une voix forte, « que l'homme à qui le mépris bouche les oreilles. »« Le mépris ?» s'écria Bluty en se levant, rouge de colère et les yeux étincelants. « Le mépris ?»« J'ai dit le mépris, » répondit Bénédicte, sans changer d'attitude et sans daigner lever les yeux sur lui. Il n'eut pas plus tôt répété ce mot que Bluty, brandissant son verre plein de vin, le lui lança à la tête. Mais sa main tremblante de fureur, fut un mauvais auxiliaire. Le vin couvrit de taches indélébiles la belle robe de la mariée, et le verre l'eut infailliblement blessée, si Bénédicte, avec autant de sang-froid que d'adresse, ne l'eût reçu dans sa main, sans se faire aucun mal. Athénaïs, épouvantée, se leva et se jeta dans les bras de sa mère. Bénédicte se contenta de regarder Blutie et de lui dire avec beaucoup de tranquillité « Sans moi, c'en était fait de la beauté de votre femme. » Puis, plaçant le verre au milieu de la table, il l'écrasa avec un broc de grès qui se trouvait sous sa main. Il lui porta plusieurs coups pour le réduire en autant de morceaux qu'il put, puis, les éparpillant sur la table, « Messieurs, leur dit-il, cousins, parents et amis de Pierre Blutie qui venaient de m'insulter, et vous, Pierre Blutie, que je méprise de tout mon cœur, à chacun de vous j'envoie une parcelle de ce verre. C'est autant de sommation que je vous fais de me rendre raison. C'est autant de portions de mon affront que je vous ordonne de réparer. Nous ne nous battons ni au sabre, ni à l'épée, ni au pistolet, s'écria Blutie d'une voix tonnante. Nous ne sommes pas des freluquets, des habits noirs comme toi. Nous n'avons pas pris des leçons de courage. Nous en avons dans le cœur et au bout des poings. Pose ton habit, monsieur. La querelle sera bientôt vidée. Et Blutie, grinçant des dents, commença à se débarrasser de son habit chargé de fleurs et de rubans et à retrousser ses manches jusqu'au coude. Athénaïs, qui était tombée en défaillance dans les bras de sa mère, s'élança brusquement et se jeta entre eux en poussant des cris perçants. Cette marque d'intérêt, que Blutie jugea avec raison être tout en faveur de Bénédicte, augmenta sa fureur. Il la repoussa et s'élança sur Bénédicte. Celui-ci, évidemment plus faible, mais agile et de sang-froid, lui passa son pied dans les jambes et le fit tomber. Blutie n'était pas relevé qu'une nuée de ses camarades s'était jetée sur Bénédicte. Celui-ci n'eut que le temps de tirer ses deux pistolets de sa poche et de leur en présenter les doubles canons. « Messieurs, leur dit-il, vous êtes 20 contre 1, vous êtes des lâches. Si vous faites un geste contre moi, 4 d'entre vous seront tués comme des chiens. » Cette vue calma un instant leur vaillance. Alors, le père Léry, qui connaissait la fermeté de Bénédicte et qui craignait une issue tragique à cette scène, se précipita au-devant de lui, et, levant son bâton noueux sur les assaillants, il leur montra ses cheveux blancs souillés du vin que Blutie avait voulu jeter à Bénédicte. Des larmes de colère roulaient dans ses yeux. « Pierre Blutie, s'écria-t-il, vous vous êtes conduit aujourd'hui d'une manière infâme. Si vous croyez, par de pareils procédés, prendre de l'empire dans ma maison et en chasser mon neveu, vous vous trompez. Je suis encore libre de vous enfermer la porte et de garder ma fille. Le mariage n'est pas consommé. Athénaïs, passez derrière moi. » Le vieillard, prenant avec force le bras de sa fille, l'attira vers lui. Athénaïs, prévenant sa volonté, s'écria avec l'accent de la haine et de la terreur, « Gardez-moi, mon père, gardez-moi toujours. Défendez-moi de ce furieux qui vous insulte, vous et votre famille. Non, je ne serai jamais sa femme. Je ne veux pas vous quitter. » Et elle s'attacha de toute sa force au cou de son père. Pierre Blutie, à qui aucune clause légale n'assurait encore l'héritage de son beau-père, fut frappé de la force de ses arguments. Renfermant le dépit que lui inspirait la conduite de sa femme, « Je conviens, dit-il en changeant aussitôt de ton, que j'ai eu trop de vivacité. Beau-père, si je vous ai manqué, recevez mes excuses. » « Oui, monsieur, reprit Léry, vous m'avez manqué dans la personne de ma fille, dont les habits de noces portent les marques de votre brutalité. Vous m'avez manqué dans la personne de mon neveu, que je saurai faire respecter. Si vous voulez que votre femme et votre beau-père oublient cette conduite, offrez la main à Bénédicte, et que tout soit dit. » Une foule immense s'était rassemblée autour d'eux et attendait avec curiosité la fin de cette scène. Tous les regards semblaient dire à Blutie qu'il ne devait point fléchir. Mais, Quoique Bluty ne manquât pas d'un certain courage brutal, il entendait ses intérêts aussi bien que tout bon campagnard sait le faire. En outre, il était réellement très amoureux de sa femme, et la menace d'être séparé d'elle l'effrayait plus encore que tout le reste. Sacrifiant donc les conseils de la vaine gloire à ceux du bon sens, il dit, après un peu d'hésitation, « Eh bien, je vous obéirai, beau-père, mais cela me coûte, je l'avoue, et j'espère que vous me tiendrez compte, Athénaïs, de ce que je fais pour vous obtenir. » « Vous ne m'obtiendrez jamais, quoi que vous fassiez !» s'écria la jeune fermière, qui venait d'apercevoir les nombreuses taches dont elle était couverte. « Ma fille !» interrompit Léry, qui savait fort bien reprendre au besoin la dignité et l'autorité d'un père de famille. « Dans la situation où vous êtes, vous ne devez pas avoir d'autre volonté que celle de votre père. Je vous ordonne de donner le bras à votre mari et de le réconcilier avec votre cousin. » En parlant ainsi, Léry se retourna vers son neveu, qui, pendant cette contestation, avait désarmé et caché ses pistolets. Mais, au lieu d'obéir à l'impulsion que voulait lui donner son oncle, il recula devant la main que lui tendait à contre-cœur Pierre Bluty. « Jamais, mon oncle, répondit-il. Je suis fâché de ne pouvoir pas reconnaître par mon obéissance l'intérêt que vous venez de me témoigner, mais il n'est pas en ma puissance de pardonner un affront. Tout ce que je puis faire, c'est de l'oublier. » Après cette réponse, il tourna le dos et disparut, en se frayant avec autorité un passage à travers les curieux ébahis.